À propos de la réponse du secrétariat de l'ONU à la lettre des participants à la conférence conjointe du gouvernement, des partis politiques et formations de la République populaire démocratique de Corée en date du 9 juin 2016, le délégué permanent de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a adressé le 8 une lettre au sous-secrétaire général de l'ONU. Voici le résumé. Il est de notoriété publique que l'ONU a adopté la résolution de la 30e Assemblée générale de 1975, la résolution de la 55e Assemblée générale de 2000 et la résolution de la 62e Assemblée générale de 2007 sur la paix, la sécurité et la réunification de la péninsule coréenne. Ces résolutions indiquent les problèmes importants comme le démantèlement du commandement de la troupe onusienne en Corée du Sud, le retrait des forces armées étrangères, le remplacement de l'accord d'armistice par un accord de paix et le soutien et l'application de la déclaration commune Nord-Sud du 15 juin et de la déclaration du 4 octobre. Malheureusement, ces résolutions reflétant la Convention du Nord et du Sud de la Corée et la volonté générale de la communauté internationale ne sont point mises en vigueur jusqu'à aujourd'hui à cause de la politique d'hostilité des États-Unis envers la Corée et de leur empêchement. Le destinataire espère que le secrétariat de l'ONU fasse un apport actif à faire abandonner la politique d'hostilité des États-Unis envers la Corée, foyer de l'empêchement de la paix et de la réunification de la péninsule coréenne, à faire appliquer les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU traduisant la volonté générale du Nord, du Sud, de la Corée et de la communauté internationale.